Chapitre 2. Par un clair après-midi d'avril, Ariane fit sa première visite de voisine à Madame Even. Elle fut reçue dans le petit jardin qui s'étendait le long de la façade du pavillon. La grille légère qui le séparait de la cour commune était en partie garnie de lierre qui cachait au regard indiscret le berceau fleuri de roses pendant tout l'été où aimait à venir s'asseoir le colonel. Une légère senteur de violette parfumait l'air. Dans la plate-bande, qui s'étendait le long du soubassement de la grille, les fleurs de printemps s'éveillaient et l'on voyait les feuilles prêtes à éclore dans les longs cordons des rosiers serpentant sur les vieilles briques de la façade. Ariane présenta les regrets de son père qui n'avait pu l'accompagner car il venait d'être très souffrant. « Je crains qu'il ne soit obligé de prendre bientôt sa retraite, » ajouta-t-elle. Le colonel demanda, « Cela lui déplairait-il ? » ?»« Oui, il comptait poursuivre quelques années encore. » La physionomie du colonel parut s'attrister tout à coup. Il tordit un peu nerveusement sa moustache, restée presque tout entière blonde. « Je sais ce que c'est que d'être arrêté dans sa carrière. » Ariane dit avec un peu d'ironie « Oh, mon père n'en souffrira pas comme vous, colonel, pas de la même manière du moins. » Elle considérait son hôte avec un intérêt mêlé d'émotion. Par Raymond, elle savait quelle épreuve avait été pour lui le brisement de sa carrière et combien pesait l'inaction physique à cet homme abattu en pleine vigueur, en pleine intelligence. Très vite, pour chasser l'impression pénible réveillée chez lui, elle fit glisser l'entretien sur d'autres sujets. Elle avait conservé sa gaieté, son charme jeune, si naturel. Un reflet de sa beauté, de la vie qui animait son regard, semblait se répandre autour d'elle, sur la physionomie fine, flétrie mais souriante maintenant, du colonel et sur celle de Madame Even, qui regardait avec un amical intérêt la charmante visiteuse. Quand Ariane voulut se lever, elle la retint. « Si vous n'êtes pas trop pressée, restez encore. Nous allons prendre le café au lait. C'est une ordonnance du médecin pour mon mari qui doit faire 4 repas légers par jour. Mais vous préférerez sans doute du thé ?» Ariane déclara qu'elle aimait beaucoup le café au lait, tout en reprenant sa place sans se faire prier davantage. Elle se trouvait singulièrement bien dans ce jardinet tranquille où l'on entendait si peu les bruits de Paris qu'on pouvait se croire dans quelque petit coin de province. Et la voix de Madame Even, son regard fermé doux, donnait une impression de paix, de beauté sereine qui retenait l'âme profonde d'Ariane. Une femme de chambre apporta le café que la jeune fille s'offrit à servir. Madame Even et son mari suivaient avec plaisir ses mouvements vifs et gracieux. Le colonel, quand elle lui présenta sa tasse, lui adressa un compliment très fin. Elle eut un sourire nuancé de quelque ironie, car elle pensait « Le père m'en fait, lui, mais le fils, jamais !» Cependant, un soir, sur la petite terrasse du roc d'enfer, ses yeux avaient parlé pendant quelques secondes. Ariane savait qu'à ce moment-là, Raymond l'avait admiré et qu'il avait failli le lui dire. Mais depuis lors, jamais, jamais plus. Elle reprenait sa place près de Madame Even. Le soleil commençait de quitter la façade sur laquelle s'étendaient de grands pans d'ombre. Les portes-fenêtres ouvertes laissaient apercevoir le salon désert dans la pénombre où le gris des boiseries, la soie jaune d'un coussin, l'or terni d'un cadre, mettaient d'indécises notes claires. Une amie de Madame Even apparut, venant faire une courte station entre deux visites charitables. Cette petite femme brune et pâle, aux yeux de méridional, passait son existence à faire le bien, discrètement, sous le couvert d'un agile bavardage et d'amusantes plaisanteries. Elle secouait lestement ses protégés, leur disait sans embâge sa façon de penser et se privait pour leur venir en aide. Avec cela, elle ne se berçait pas d'illusions sur eux et ne comptait guère sur leur reconnaissance, vertu surhumaine, assurait-elle. Quand Madame Even lui présenta Mademoiselle d'Aubray, en ajoutant qu'elle exerçait la profession d'avocat, la visiteuse dit cordialement « Je suis très contente de vous connaître, mademoiselle. » Son coup d'œil aigu examinait rapidement la jeune fille. Puis, tandis qu'elle s'asseyait, elle ajouta « Si vous voulez des clients, je vous en enverrai. Mais je vous préviens qu'ils seront non payants. » Ariane dit gaiement « Envoyez-les, j'aime ma profession, je ne travaille pas seulement pour de l'argent. » Vous dites comme Raymond, il est très charitable et ne regarderait pas à laisser une affaire promettant un gros bénéfice pour rendre service à quelqu'un dont il ne recevra jamais rien. Ariane secoua la tête. « J'ignore la charité, j'agis par fantaisie, selon mon bon plaisir, et parce que je trouve généralement agréable de venir en aide aux autres. Mais je ne me reconnais pas de devoir. » Sans doute, Madame Murillon n'ignorait-elle pas le genre d'éducation que le président d'Aubray avait donné à ses enfants, car elle ne parut point autrement surprise de sa déclaration. Madame Even dit avec douceur « Pas de devoir, mais il n'y a que cela dans la vie, ma pauvre enfant. » « On peut s'en libérer, madame. » « Dites-moi, mon enfant, si vous croyez que ceux-là sont plus heureux. » Madame Even se penchait un peu vers elle. Ses yeux, pleins de grave pitié, rencontrèrent ceux d'Ariane qui s'assombrissaient, perdaient leur expression de vie frémissante. « Non, ils ne le sont pas. Ils ne peuvent pas l'être. » Mais quand on leur a inculqué dès l'enfance le mépris de toute discipline morale, quand on leur a dit ou laissé croire qu'ils étaient eux-mêmes leur fin et qu'il n'existe en fait ni bien ni mal, mais seulement ce qui peut nous nuire personnellement, que voulez-vous qu'ils fassent ? Que voulez-vous qu'ils fassent ? L'interrogation pathétique passa entre les lèvres qui tremblaient un peu. Ariane baissait les yeux, comme si elle voulait cacher son regard ou, peut-être, monter de l'angoisse. Puis, subitement, elle sourit et la gaie lumière reparut dans les beaux yeux au ton de violette. Nous allons glisser dans les considérations philosophiques. C'est ma faute, aussi vais-je partir. Déjà, ma visite a été déraisonnablement longue. Le colonel protesta et Madame Even dit amicalement « J'espère que vous la renouvellerez. » Nous allons glisser dans des considérations philosophiques. C'est ma faute. Aussi vais-je partir. Déjà, ma visite a été déraisonnablement longue. » Le colonel protesta et Madame Even dit amicalement « J'espère que vous la renouvellerez. » Madame Murillon, en regardant s'éloigner la jeune fille, croisa ses bras courts sur sa poitrine en un geste familier aux heures de réflexion. Près d'elle, le colonel murmura « La charmante créature !» Madame Murillon fit de la tête un signe affirmatif. Puis elle demanda aussitôt « Vous la voyez souvent ?»« Mais non, » dit Madame Even. « Jusqu'ici, elle nous faisait une visite dans l'année. » Comme son père vient de louer un appartement au premier, en face, il est probable que nous la verrons un peu plus fréquemment. Madame Murillon décroisa ses bras en faisant observer. Elle ne ressemble pas du tout à son frère. Non, en aucune façon, heureusement. Le colonel s'exclama. Ah, le matin, quand je pense que c'est pour cet être-là que Paul a abandonné notre Raymond, quand je pense à ça... Elle n'a pas dû être longue à le regretter. Le ménage marche de moins en moins, dit-on. C'est exact. Paul est très malheureuse. Pour s'étourdir, elle mène une vie mondaine effrénée qui n'est pas sans avoir une répercussion fâcheuse sur sa santé. Berthe gémit, pas devant nous, comme vous pouvez le croire. Ce charmant monsieur continue de mener la scandaleuse existence d'avant son mariage et, en outre, mange la dot de sa femme. Ah, elles ont bien misé, les pauvres aveugles !» Madame Even, penchée vers la table, rangeait les tasses vides sur un plateau. Elle dit tristement « Une existence brisée, finie, voilà ce que Berthe a procuré à sa fille. » Le soleil n'éclairait plus maintenant que le haut des mansardes. Une brise fraîche caressait les jeunes pousses des rosiers, soulevait les feuilles de la revue abandonnée par le colonel à l'arrivée d'Ariane. D'une fenêtre voisine, une jeune voix lança une roucoulade qui fusa dans le silence. Madame Even ajouta, si du moins son enfant avait vécu, elle eût trouvé là une consolation et une sauvegarde. Mais il ne lui reste rien, rien, puisque ses croyances n'ont pas résisté à l'influence malfaisante de Daubray. Vous n'avez pas de rapport plus fréquent avec elle ? Non, de moins en moins. Berthe vient rarement aussi, et jamais elle ne parle des désillusions de sa fille, naturellement. D'un geste machinal de sa longue main blanche, Madame Even chassa un moucheron qui frôlait ses cheveux. Une tristesse pensive se répandait sur sa physionomie. Madame Murion déclara « C'est une pauvre tête. Paul a été mal conseillé par elle. » Le colonel l'interrompit d'un ton péremptoire. « Quand on est aimé d'un homme comme Raymond, on ne se laisse pas circonvenir ainsi, à moins d'être la dernière des sottes. »« Henri, » dit doucement Madame Even. Il secoua un peu les épaules en adressant à sa femme un sourire affectueux. « Allons, oui, je me tais, Sainte-Hélène. Que voulez-vous ? Jamais je n'ai pu pardonner complètement à Paul. Quant à l'orgueil que m'inspire mon fils, Madame Murion le connaît et l'excuse. Non seulement je l'excuse, mais je l'approuve. Je sais ce que vaut Raymond, à tout point de vue, et je suis de votre avis, colonel. Paul n'était pas digne d'un homme comme lui. » Le colonel cligna un peu de l'œil vers sa femme avec un air de dire « Là, vous voyez ?» Et Madame Even sourit. Madame Murion poursuivit tout en se levant « Mais n'allez-vous pas le marier bientôt, votre Raymond ? Voyons, il n'a que le choix certainement. » « Nous recevons pas mal d'ouvertures à son sujet, en effet, mais il ne paraît pas pressé. » Il veut un certain nombre de qualités morales et intellectuelles qui ne se trouvent pas toujours réunies en une seule personne. Celle qu'il choisira pourra se dire que la vie lui a réservé un fameux numéro. Oui, mais qui sera-t-elle, celle-là ? En parlant ainsi, Madame Even appuyait ses mains sur la table et regardait droit devant elle, pensivement, vers la profondeur assombrie du salon. Raymond souffrirait tant de n'être pas compris. C'est un délicat et, sous son apparence réservée, un cœur passionné. Par Paul, il a déjà connu la désillusion. Il ne faudrait pas qu'une seconde fois, il donne à ce cœur à qui ne le mériterait pas. Dans son regard, une fugitive anxiété passait et sa bouche trembla un peu en répétant « Qui sera-t-elle, celle-là »